tout le monde, toutes choses parlaient d'amour. Il fallait bien que cela m'arrive un jour. J'attendais, je t'espérais, j'espérais, je te cherchais, mais c'est fou. Je n'ai peur de rien.